question. Sur le fonctionnement, vous le savez, hein, ma, je le dis ici en toute liberté, ma formation politique est, est très attachée à la promotion et au développement des logiciels libres, au pluralisme technologique et pédagogique dans l'ensemble des établissements scolaires. Elle estime aussi qu'il y a là, au-delà des questions techniques, une question un peu philosophique, qui est celle de la mise en réseau à travers les logiciels libres, des savoirs et des compétences, du partage de ce que chacun peut apporter au, au collectif et de la promotion d'un modèle plus coopératif. Et ce terme de coopératif, nous y tenons beaucoup, un modèle plus coopératif de l'organisation du numérique aujourd'hui. On pourrait en parler très longuement, la diffusion des travaux sous licence libre nous paraît devoir être développée de manière systématique, y compris dans les universités d'ailleurs. Moi-même, à titre personnel, j'ai dû mettre mes cours sur un site que j'ai fait moi-même parce que mon université le met sur un site qui exige d'être, pour pouvoir le consulter, un code d'accès et qui ne peut pas être consulté par d'autres que les étudiants de mon université, ce que je trouve absolument absurde à l'ère de la mondialisation planétaire et tout à fait contre-productif. Quant à mes collègues qui pourraient imaginer qu'ils peuvent être payés deux fois, c'est-à-dire une fois à plein temps pour être enseignant et une deuxième fois pour être payés pour les outils pédagogiques qu'ils mettent à disposition du collectif sur les sites en libre accès, ils me paraissent faire évidemment fausse route. Je crois qu'il faut retrouver dans l'usage du numérique le sens du collectif, le sens du bien commun et du bien public. Et que cela est une idée aujourd'hui. Liberté. Liberté. Vous le savez. Liberté. Vous savez, liberté.